إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد نشرع بإذن الله تبارك وتعالى في الدرس الثالث من شرح القواعد الأربع donc إن شاء الله nous entamons le troisième cours concernant le commentaire des quatre règles de base. ثم قال يعني المؤلف القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم منهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار ومنهم من يعبد الشمس والقمر وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم والدليل قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. Puis il dit l'auteur, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, troisième règle est que lorsqu'est apparu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était face à des gens qui étaient divisés. Chacun et ce qu'il adorait. Ils étaient divisés dans leurs adorations. Certains parmi ces gens adoraient les anges, d'autres les arbres, d'autres la pierre, d'autres le soleil, d'autres la lune. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, les a tous combattus et il n'a pas fait de distinction entre eux. Puisque tous ils adorent autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il n'y a pas à dire si on adore ça, c'est moins grave que ça. Non, il ne faut adorer que Allah seul. Yani Nabi sallallahu alayhi wa sallam ma farraq bayna ma ya'budu ha'ula ma qal hadha akhaf min hadha ma damu ya'buduna ghayra Allah fal amru khatir. والعبادة لا تكون إلا لله تبارك وتعالى. Et la preuve de cela est la parole divine où Allah nous dit dans le sens du verset et combattez-les jusqu'à qu'il n'y ait plus de trouble et que la religion soit pour Allah. ودليل الشمس والقمر قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. Et la preuve comme quoi il y en a qui adoraient le soleil et la lune et la parole d'Allah dans le sens du verset. Et parmi ces signes, il y a la nuit et le jour. Le soleil et la lune. Ne vous prosternez pas pour le soleil ni pour la lune, mais prosternez-vous pour Allah qui les a créés, si vraiment c'est lui que vous adorez. وَدَلِيلُ الْمَلَائِكَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى وَلَا يَأْمُرَكُمْ أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. Et la preuve comme quoi il y en a qui adoraient les anges et la parole divine dans le sens du verset, et il ne vous ordonne pas, il ne vous demande pas de prendre les anges et les prophètes comme seigneur. Car le véritable seigneur c'est Allah tabaraka wa ta'ala. Ar-Rabbul Haqq wa Rabbul Alamin. Allah subhanahu wa ta'ala. ودليل الأنبياء قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. Et la preuve qu'il y en a qui ont adoré les prophètes, c'est la parole divine, où Allah nous dit dans le sens du verset, et Allah a dit, ô Jésus, fils de Marie, est-ce que c'est toi qui as dit aux gens, prenez-moi ainsi que ma mère, Marie, comme divinité en dehors d'Allah? Il dit, gloire à toi, il ne m'est pas permis de dire ce que je ne connais, de dire une chose qui n'est pas vraie, de les prendre comme divinité, alors que la véritable divinité, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Une chose dont je n'ai pas le droit de dire, si je l'aurais dit, tu l'aurais su. Si jamais je l'avais dit à ces gens, de me prendre comme divinité, ainsi que ma mère, tu l'aurais su, car Allah subhanahu wa ta'ala, rien ne lui échappe. Il sait tout. Car tu sais ce qui est en moi et je ne sais pas ce qui est en toi. Car c'est toi le connaisseur de l'inconnaissable. وَدَلِيلُ الصَّالِحِينَ قَوْلُهُ تَعَالَى أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةِ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ ويرجون رحمته ويخافون عذابه. Et la preuve comme quoi ils ont aussi pris les vertueux, les saints, comme divinité en dehors d'Allah. Il y a la parole d'Allah dans le sens du verset. Voilà ceux qu'ils invoquent. Ces saints, ces vertueux qu'ils invoquent, les polythéistes. Alors que ceux qui sont invoqués, ces saints et ces vertueux, ils cherchent le moyen de se rapprocher le plus d'Allah. Et ils espèrent sa miséricorde, et ils craignent et ils ont peur de son châtiment. هذا معنى أنتم تدعون أناسا هؤلاء بريئون من هذا العمل وهؤلاء صالحون وهؤلاء يبتغون إلى الله الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمة الله ويخافون عذاب الله. Non. Vous invoquez des gens qui sont saints, qui sont vertueux, qui sont innocents de ce que vous faites comme agissement, qui ne vous l'ont pas demandé. Ils n'ont rien à voir avec vos agissements. Et eux-mêmes, ils cherchaient le moyen de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Eux-mêmes, ils espéraient la miséricorde d'Allah. Et ils craignaient le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi al-anbiya رأينا النصارى يعبدون عيسى ويعبدون مريم عليهما السلام واليهود يعبدون العزير عليه السلام واليهود قالوا بأن العزير هو ابن الله والنصارى قالوا بأن عيسى ابن الله قال تعالى في كتابه العزيز وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. Les juifs, les chrétiens ont pris leur prophète comme divinité et seigneur en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les juifs ont prétendu que l'Uzayr était le fils d'Allah. Et les chrétiens ont prétendu, bien qu'ils adorent Isa alayhi salam, et ils adorent Maryam alayhi salam, et ils prétendent que Isa alayhi salam c'est le fils d'Allah. Des paroles mensongères. Ils mentent sur Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit dans le Coran, dans le sens du verset, et les juifs ont dit, Al-Uzayr est le fils d'Allah. Et les chrétiens ont dit, Jésus est le fils d'Allah. Voilà la parole qui sort de leur bouche. Ils ne font en cela que ressembler à ceux qui les ont précédés. D'autres l'ont dit, des paroles semblables. Ceux qui ont mécru d'auparavant, qu'Allah les combatte. Pour ce qu'ils disent, ils ont pris leurs savants et leurs adorateurs, leurs rabbins, leurs curés, leurs clergés, les uns comme les autres, ils en ont fait des seigneurs en dehors d'Allah, ainsi que Jésus, fils de Marie. Alors qu'il ne leur a été ordonné que d'adorer une seule divinité. Il n'y a point de divinité digne d'être adorée si ce n'est lui. Gloire à lui pour ce qu'ils associent. ووجد عند المسلمين من يعبد غير الله تبارك وتعالى الشيعة يعبدون آل البيت يدعون علي رضي الله عنه ويدعون الحسين رضي الله عنه ويبررون ذلك بأنهم يحبون آل البيت وهذا ادعاء كاذب وعند كثير من الصوفية يعبدون الصالحين ويدعونهم من دون الله تبارك وتعالى ويتقربون إليهم ببعض العبادات فتراهم يحلفون بهم وتراهم يذبحون لهم ويطوفون بقبورهم وهذه أعمال منتشرة في بلداننا وهذا كله من الشرك ومن العبادة لغير الله تبارك وتعالى ويسمون ذلك توسلا وهذا ليس هذا هو التوسل الشرعي بل هذا هو الشرك لكن يسمونها بغير اسمها ولكن هذا العمل لا يغير الحقيقة فالحقيقة أنهم وقعوا في الشرك والعياذ بالله أما التوسل الشرعي هو أن تتقرب إلى الله تعالى بدعائه باسم من أسمائه الحسنى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها التوسل الشرعي أن تتقرب إلى الله تبارك وتعالى في دعائك بذكر عمل عملته لله خالصا فتذكر هذا العمل حتى يعطيك الله ما تريد يعطيك الله ما تريد تقول يا رب فعلت كذا وكذا وكذا اللهم إن كان هذا خالصا لوجهك ففرج عني فأعطني هذا توسل شرعي كالثلاثة الذين دخلوا الغار وسقطت عليهم الصخرة ما استطاعوا أن يخرجوا فكل ذكر عملا عمله لله تبارك وتعالى ومن التوسل الشرعي أن تطلب من رجل من إنسان حي تذهب عنده تظن فيه الصلاح والخير فتقول له يا فلان أدعو الله لي هذا مشروع هذه الأنواع الثلاثة هي التي تكون توسلا شرعيا ما غير ذلك فليس بشرعي فتراهم يقولون بجاه فلان وبجاه النبي هذا لا يعلم هذا عن السلف رضي الله عنهم ما كانوا يدعون الله بهذه الطريقة ما كانوا يعرفون ذلك وسموا الأعمال الشركية توسلا ليموه على الناس ليوهم على الناس ويكذب على الناس ويضل الناس بسبب هؤلاء. Donc, je disais, on a vu les chrétiens, les juifs, ils en sont arrivés à adorer autre que Allah tabaraka wa ta'ala, à commettre le polythéisme, et même au sein de la communauté musulmane. Les chiites, ils adorent Ali radiallahu anhu, et ils adorent Al-Hussein radiallahu anhu, et ils les invoquent en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala, en prétextant qu'ils font ça par amour. Et c'est un amour qui est mensonger. Ce n'est pas un véritable amour envers la famille du prophète, alayhi salatu wassalam. Chez les soufis, beaucoup de sectes soufis, ils en arrivent à adorer les saints et les vertueux dans leurs tombes, dans leurs mausolées. Et on voit ça, c'est répandu dans nos pays. Et ils se rapprochent d'eux avec des actes d'adoration que normalement ils doivent être réservés qu'à Allah seul subhanahu wa ta'ala. Et ils disent, nous faisons le tawassul, on s'en sert que comme intermédiaire, c'est un moyen pour nous rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ce n'est pas un tawassul légiféré. Le seul tawassul légiféré, c'est le moyen, tawassul c'est le moyen d'atteindre, c'est d'invoquer Allah tabaraka wa ta'ala par un de ses plus beaux noms. Et Allah appartient les plus beaux noms, invoquez-le par ces noms-là. C'est de, dans ta dua, dans ton invocation, tu évoques un acte que tu as fait pour Allah sincèrement, pour qu'Allah il te donne ta demande, en disant par exemple, oh Allah, j'ai fait tel acte. Si je l'ai fait vraiment sincèrement pour toi, donne-moi telle chose ou facilite-moi telle chose. Comme les trois personnes, quand la pluie est tombée, ils sont entrés dans une grotte et il y a une roche qui est tombée. Et elle a fermé l'entrée de la grotte. Ils ne pouvaient plus sortir. Et pour pouvoir s'en sortir, il y en a un qui leur a dit que chacun se rappelle une œuvre qu'il a fait sincèrement pour Allah. Et chacun a invoqué Allah par cette œuvre-là. Oh Allah, j'ai fait telle chose. Si vraiment je l'ai fait sincèrement pour toi, pour gagner ta grâce, ouvre-nous sur le passage. Et à la fin, le passage il s'est ouvert pour eux. Et troisièmement, c'est d'aller voir une personne vivante, d'aller la voir, une personne que tu penses être vertueuse, être une bonne personne proche d'Allah, et tu lui demandes d'invoquer Allah pour toi. Tu dis, oh un tel, invoque Allah pour moi, pour qu'il me facilite, pour qu'il me donne. Tu lui demandes d'invoquer Allah pour toi. Voilà les trois façons de tawassul légiféré. En dehors, les gens y mentent. Ils font croire aux gens que l'acte de polythéisme qu'ils commettent, c'est ça le tawassul. Alors que ce n'est pas ça le tawassul. Ils changent le nom, mais changer le nom ne change pas la réalité de la chose. Subhanallah. Et combien sont tombés dans ces choses-là? Et avec ça, ils égarent les gens et ils les éloignent du monothéisme et ils les éloignent de la droiture. وقد رأينا في الدروس الماضية أن المشركين من أهل مكة كانوا يقولون بأنهم لا يعبدون هذه الأصنام لأصنام لذواتها بل يتقربون بها إلى الله ويتخذونها شفعاء يتخذوهم شفعاء عند الله. هذا الذي يفعله أكثر الناس اليوم. يقول أنا لا أعبد هذا, أنا أعرف أنه ميت وأعرف أنه لا ينفع لا يضر, أنا لا أعبده هو, لكن بجاهه عند الله وقربه من الله ليتوسط لي ويكون شفيعا لي. هذا نفس الشيء, هذا التبرير هو هذا التبرير سبحان الله. Et on les entend dire, mais nous on n'adore pas ces vertueux qui sont dans les tombes, on sait qu'ils sont déjà morts, on sait qu'ils ne peuvent être ni nuisibles ni bénéfiques, mais seulement ce sont des gens proches d'Allah, ce sont des saints. Donc, on veut qu'ils soient l'intermédiaire entre nous et Allah pour nous rapprocher d'Allah. On veut gagner leur intercession auprès d'Allah, vu la place qu'ils ont auprès d'Allah. Cette excuse avec laquelle ils se défendent, c'est la même excuse avec laquelle s'est défendu les polythéistes de la Mecque à l'époque du prophète sallam, lorsqu'ils ont dit les idoles, ne nous les adorons pas pour elles-mêmes, mais c'est pour qu'ils nous rapprochent d'Allah, pour qu'ils intercèdent auprès d'Allah, et ainsi de suite. Donc c'est la même façon de répondre à l'iyadu billah. ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى. Donc on est toujours dans le texte, hein, ما زلنا في المتن. ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم أو وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. Al-Hadith. Et la preuve comme quoi il y en a qui ont adoré les arbres et la pierre, c'est la parole divine dans le sens du verset. N'avez-vous pas vu Al-Lat et Al-Uzza et Manat, la troisième? وَهَذِهِ أَسْمَى لِأَصْنَامِ كَانَ الْعَرَبْ يَعْبُدُونَهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ اللات كانت تعبد كانت إلها يعبد في طائف والعزة بين في منطقة بين الطائف ومكة ومنات كانت على شاطئ البحر الأحمر قرب المدينة ليست بعيدة من المدينة وهذه الآلهة أصنام وهذه الأصنام كانت موجودة في مكة وكانت موجودة في الكعبة Donc, je disais, ces trois noms, Al-Lat, Wal-Uzza, Wamanat, ce sont des noms d'idoles, de statues qui étaient adorées en dehors d'Allah à l'époque pré-islamique. Al-Lat, c'était l'idole des gens de Taif. Al-Uzza, une contrée entre Taif et Mecca. Et Manat, vers les bords de la mer Rouge, à hauteur de la ville de Médine. Et ces statues, elles étaient dans la Kaaba, adorées en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est pour la pierre. Les statues sont faites de pierre. Il y en a même al-hajar, l'asnam hadith. Et on a le hadith de Abu Waqid al-Layfi, radiallahu anhu, qui dit, nous sommes sortis avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, vers Hunayn. C'est après la conquête de la Mecque. Après la conquête de la Mecque, il y a eu la bataille de Hunayn. Et nous étions tout nouveaux, tout frais dans l'islam. C'était des nouveaux convertis. Et les polythéistes avaient un arbre, sur lequel ils posaient leurs armes, leurs épées, tout ça. Ils posaient sur cet arbre-là, sur les branches de cet arbre-là. Et ils cherchaient une certaine bénédiction. Et cet arbre, il s'appelait Zatu Anwat. Cet arbre, il s'appelait Zatu Anwat. Alors, nous sommes passés avec le prophète devant un arbre. Alors, nous avons dit au messager d'Allah, fais en sorte que nous aussi, on ait un arbre, Zatu Anwat, comme eux, ils l'ont. Ils ont voulu faire la même chose. Eux, ils ont un arbre où ils mettent leurs armes. Nous aussi, désigne-nous un arbre où on va aussi poser nos armes. Al-Sharh, le commentaire. وأقول يعني الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى إن مقتضى هذه القاعدة أن كل ما دعي من دون الله من ملائكة وأنبياء وصالحين وأشجار وأحجار وغير ذلك كلها عاجزة عن أن تسعف عابديها بالمطلوب أو تنجيهم من المهروب والله سبحانه وتعالى قد أخبر أن كل مدعو من دونه لا يملك شيئا وإن قل، حيث قال، حيث يقول: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. Donc, dans le commentaire, le cheikh nous dit, je dis, ce qui résulte de cette règle, de cette troisième règle, c'est que tout ce qui est adoré, tout ce qui est invoqué en dehors d'Allah, que ce soit des anges, des prophètes, des vertueux, des arbres, de la pierre, ou toute autre chose, elle n'est pas capable de te donner ce que tu espères, ce que tu veux, et elle ne peut pas te sauver de ce dont tu te sauves. Hein, la chose dont tu as peur, elle ne pourra pas te sauver de cette chose-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a bien annoncé que tous ceux qui sont invoqués en dehors de lui, ils ne possèdent rien, même si cette chose elle est petite. Ils ne la possèdent pas. De sorte qu'Allah nous dit, dans le sens du verset, et ceux que vous invoquez ou que vous adorez en dehors de lui, ils ne possèdent même pas Al-Qitmir. Vous savez c'est quoi Al-Qitmir? Vous avez vu la date? Tmar, une date. Il y a le noyau à l'intérieur. Sur ce noyau, il y a une petite enveloppe blanche. Ben, ce truc blanc là, hein, ce petit voile blanc qui est au-dessus du noyau, c'est ça Al-Qitmir. Ça, il ne le possède même pas. Une petite chose de rien, et bien ce que vous invoquez en dehors d'Allah, et bien il ne le possède même pas. Si vous les invoquez, ils n'entendent pas vos invocations. Et s'ils venaient à entendre, ils ne pourront pas vous exaucer ni vous répondre. Et le jour du jugement dernier, ils renieront, ils mécroiront, et ils rejetteront votre polythéisme. Ils n'accepteront pas. Toi, tu as fait ça pour lui, lui ne te reconnaît pas, Yom Al-Qiyama. Il ne te reconnaît pas, Yom Al-Qiyama. Et il n'y a pas, tu ne seras pas, l'annonce ne sera pas donnée par quelqu'un qui est bien plus informé, si ce n'est Allah, subhanahu wa ta'ala. Wa qala jalla min qa'il, ya ayyuha an-nas, duriba mathalun, fastami'u lah. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. Et Allah Azza wa Jal nous dit dans le sens du verset: ô vous les hommes, ô vous les gens, il vous a été donné un exemple, une parabole. Ceux que vous invoquez en dehors d'Allah, ils ne peuvent même pas créer une mouche, même s'ils se rassemblaient tous pour le faire, ils ne pourraient pas. إلى غير ذلك من الآيات التي تبين عجز المدعوين من دون الله عز وجل وضعفهم وعدم قدرتهم على إعطاء من عبدهم شيئا وإن قل، ثم إنهم أيضا عاجزون عن جلب النفع لأنفسهم فكيف بغيرهم. Et il y a bien d'autres versets qui nous démontrent clairement que ceux qui sont invoqués en dehors d'Allah ne sont pas capables de faire quoi que ce soit, et qu'ils sont faibles, et qu'ils ne sont pas capables de donner à celui qui leur demande une chose, même si elle est minime. Puis, ils ne sont pas capables de rapporter un quelconque bien à leur propre personne. Comment pourrait-il alors pour quelqu'un d'autre ? إذن فليس هناك ميزة لأحد دون أحد في هذا الباب وبهذا يعلم أن من عبد الملائكة أو عبد الأنبياء كعيسى وعزير هو ومن عبد الأحجار والأشجار سواء كلهم مشركون بالله والمعبودات من دون الله كلها عاجزة أن تنفع عابديها بشيء وإن قل وبالله التوفيق. Donc, il n'y a pas de discrimination, il n'y a pas de distinction faite dans ce chapitre-là entre telle chose ou telle chose. Non, ça, oui, c'est clair, c'est de la pierre, ou ça, c'est clair, c'est un arbre. Et puis de l'autre côté, hein, c'est un homme vertueux, c'est un prophète, c'est un ange. Non, dans ce domaine-là, tout est pareil. Tu n'as pas le droit d'adorer autre que Allah. Tu n'as pas le droit d'invoquer autre que Allah. Ils sont tous semblables sur ce fait-là. On n'a pas le droit de les adorer. Donc, on sait, de par cela, on sait que celui qui adore les anges ou qui adore les prophètes comme Isa alayhi salam, comme Uzair alayhi salam, celui qui fait ça, et celui qui adore la pierre, les arbres sont semblables. Ils sont égaux dans cet agissement. Ils sont tous des polythéistes. Ils ont associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Et tous ceux qui sont adorés en dehors d'Allah, ils ne sont pas capables d'amener un quelconque bien à ceux qui les ont adorés, même si ce bien, il est tout petit, il est minime. قال المؤلف رحمه الله القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة ومشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء وفي الشدة والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. Donc l'auteur nous dit, Cheikh Mohamed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, quatrième règle, c'est que les polythéistes de notre époque, de nos temps, sont dans un polythéisme bien plus grand est bien plus grave que ceux qui les ont précédés, que ceux d'avant. Car les premiers polythéistes, ils étaient polythéistes dans la facilité, quand les choses étaient simples, quand il n'y avait pas de mal. Mais dans la difficulté, lorsqu'ils se sentaient mal, ils étaient sincères envers Allah. Ils ne connaissaient plus les divinités. Alors que les polythéistes de notre époque, leur polythéisme est constant et perpétuel, que ce soit dans la facilité ou la difficulté. Il le reste. Et la preuve, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le sens du verset, et lorsque, pour les polythéistes d'avant, et lorsqu'ils viennent à monter sur le bateau, sur le navire, ils invoquent Allah sincèrement, à lui appartient la religion. Et lorsqu'ils les sauvent, et ils arrivent sur terre, ils ont pied sur terre, ils reviennent à leur polythéisme. Ils se mettent à nouveau dans leur polythéisme, à devenir polythéistes. Ash-Sharh, le commentaire. Wa aqul, yani al-Sheikh Ahmed al-Najmi, rahimahullahu ta'ala, inna mushriki hadha al-zaman, zadu ala mushriki zaman al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, kathiran, bihaythu, إن الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة ويعتقدون أن الشدة لا ينفع فيها إلا الله لم يبلغ بهم شركهم إلى أن أولئك المدعوين يخلقون أو يرزقون أو يحيون ميتا وإذا نظرت فيما هو مدون في هذا الزمن من قبل المشركين فإنك ترى العجائب. Donc, Cheikh Ahmed al-Najm rahmallah dit dans son commentaire, je dis, les polythéistes de notre époque ont rajouté sur le polythéisme des gens de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam beaucoup de choses, de sorte que ceux qui étaient à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils n'étaient polythéistes que dans la facilité et ils étaient sincères dans la difficulté et ils avaient la conviction que dans la difficulté ne peut leur être bénéfique que Allah seul. C'est le seul qui pourra leur être utile. Donc, et de plus, leur polythéisme ne les avait pas amenés à prétendre que ceux qu'ils adorent en dehors d'Allah, ceux qui créent ou ceux qui donnent la subsistance ou ceux qui donnent la vie à un mort. Et si tu viens à regarder, à méditer sur les gens de notre époque, tu vois l'étrange. C'est très étrange ce qui se passe dans notre époque. ثم الشيخ يأتي ببعض القصص التي قد وقعت. Puis le cheikh nous ramène un ou deux récits concernant aux contemporains concernant ce point-là. وبهذا ثم يقول بيلدي وبهذا تعرف مدى ما بلغ إليه الخرافيون القبوريون في هذا الزمن من المبالغة في الشرك الذي زادوا به على الشرك أبي جهل وأبي لهب وأمثالهم من مشرك العرب الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et tu comprends par là le danger et le degré d'égarement et de polythéisme dans lequel sont tombés les adorateurs des tombeaux et des mausolées de notre époque, et qu'ils ont exagéré même dans le polythéisme qui a dépassé le polythéisme de Abu Jahl et de Abu Lahab et leurs semblables parmi les polythéistes des Arabes de l'époque du prophète sallam, ceux-mêmes qui ont été combattus par le prophète alayhi salatu wassalam. وَهَذَا لِيُعْلَمْ عِنْدَكُمْ لِيَكُنْ مَعْلُومًا هَذَا لَيْسَ كَلَامَ هَكْفَارَ هَذِي حَقِيقَ. Que vous sachiez que ce qu'on vient dire pour les époques d'aujourd'hui, c'est une réalité. Ce ne sont pas des paroles comme ça. C'est une réalité. فِي الْبِلَادِ تَرَوْنَا يعني مزارات ترون قبور مبنية يعني قصور تبنى في بعض المقابر وأضرحة وهذا لا يوجد في الإسلام أصلا لأن القبر في الإسلام في الطول لا يزيد على الشبر هذا هو الشبر لا يزيد على الشبر في الطول. Donc on voit les gens aller dans des mausolées, dans des lieux réservés où il y a des morts pour aller y faire des adorations. Ils adorent des tombes, parfois c'est des palais qui sont construits, des mausolées, alors que c'est contraire à l'islam. En islam, une tombe en hauteur ne doit pas dépasser un empan, la distance qu'il y a entre l'auriculaire et le pouce. Cette distance, on appelle ça un empan, un empan wa huwa shibr bil arabiyya wa يأتون إلى هذه يسافرون بعض الأحيان مئات الكيلومترات حتى يصلوا إلى هذا القبر ويبقون هناك أيام أسبوع يحتفلون بمولده ويحتفلون به ثم يأتون بالذبائح تذبح عنده. Donc, on les voit même aller accomplir des voyages vers ces tombeaux. Très longs voyages, de plusieurs centaines de kilomètres parfois. Tout cela est contraire à l'islam. Ils ramènent avec eux des bestiaux qui seront immolés devant ces tombes. Wal'iyadhu billah. Et ils restent là-bas pendant une semaine, pendant plusieurs jours, pour fêter la naissance ou l'anniversaire de ce mort. Toujours des choses qui sont contraires à l'islam. ما أنزل الله بها من سلطان وعندهم اعتقادات باطلة. يعتقد البعض بأن الولي يعرف السر الذي في قلبك والعياذ بالله. Ils ont des convictions, des croyances fausses qui sont dangereuses. Ils disent que le saint, il sait le secret qui est dans ton cœur. والعياذ بالله. C'est grave. ويعتقدون أن الأولياء يتصرفون في الكون مع الله وأن الأولياء يعلمون الغيب. Et ils prétendent parfois que les saints, ils participent avec Allah dans la gérance du monde. والعياذ بالله. Et ils prétendent que les saints connaissent l'invisible et l'inconnaissable. والعياذ بالله. رب العالمين سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. Et il possède les clés de l'inconnaissable. Ne les connaît que lui seul. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. Dit personne, ni dans les cieux, ni dans la terre, ne connaît l'inconnaissable si ce n'est Allah. Et ils ne savent même pas quand est-ce qu'ils seront ressuscités. Alimul ghayb, fala yudhhiru ala ghaybihi ahada illa man irtada mir rasul. Le connaisseur de l'inconnaissable, de l'invisible, du futur, il ne donne cette connaissance à personne, sauf à celui qu'il a agréé parmi les messagers. فالأنبياء والرسل لا يعلمون الغيب ويتكلموا في الغيب فرب العالمين هو الذي أخبرهم بهذا وإلا فلا يعلمون الغيب. Les prophètes et les messagers ne connaissent pas l'invisible, l'inconnaissable. Et lorsqu'ils viennent en parler, c'est au moment où Allah leur en informe. Sinon de base, ils ne le connaissent pas. مرة النبي صلى الله عليه وسلم سمع جارية تقول وفينا نبي يعلم ما في غد قال لا تقولي هذا لا يعلم الغيب إلا الله. Un jour le prophète a entendu une jeune femme parmi ce qu'elle disait, qu'elle faisait les éloges du prophète sallam, et elle a dit et parmi nous il y a un prophète qui connaît ce qui se passera le lendemain. Et il lui a dit ne dis pas ça, ne connais l'inconnaissable ou le futur que Allah. Nabi sallallahu alayhi wa sallam كم من مرة يسأل يسأل عليه الصلاة والسلام وينتظر الوحي وينتظر الوحي. Combien de fois le prophète صلى الله عليه وسلم est questionné et il ne peut pas répondre et il attend la révélation. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا ويسألونك عن المحيط يسألونك عن الساعة أيان مرساها يسألونك ويسألونك عن الجبال يسألونك عن الأهلة يسألونك عن الأنفال يسألونك عن اليتامى. كم هذا في القرآن. Donc combien de versets Allah il répond à la demande des gens qui ont questionné le prophète صلى الله عليه وسلم. Et il te questionne sur l'heure, et il te questionne sur les montagnes, sur les orphelins, sur les menstrues, sur les nouvelles lunes. Combien dans le Coran. يا الله sur l'âme. Et le prophète صلى الله عليه وسلم il attend la révélation عليه الصلاة والسلام. حين جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم معروف الحديث حديث جبريل. ثم ماذا قال في الحديث؟ قال جبريل فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. L'ange Gabriel, Jibril alayhi salam, lorsqu'il est venu questionner le prophète alayhi salam, parmi les questions, il lui a dit quoi ? Informe-moi sur l'heure. Il lui a dit, alayhi salatu wa salam, le questionné, c'est-à-dire lui, n'en sait pas plus que le questionneur. يعني لا أنت يا جبريل أفضل مخلوقات في السماء ولا أنا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل مخلوقات في الأرض. لا أنت ولا أنا يعلم ذلك. ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. سبحان الله. Donc il lui dit ni toi Jibril le meilleur des anges sur, au ciel, ni moi, la meilleure des créatures sur terre, ni toi, ni moi ne savons cela. Man ya'lamu dhalik, Rabbul Alamin subhanahu wa ta'ala. إذن كيف يدعون بأن هؤلاء يعلمون الغيب والعياذ بالله ومنهم من يقول بأن الولي أفضل من النبي والعياذ بالله. Ils vont même plus loin que ça. Parmi eux, il y en a qui disent que le saint est meilleur que le prophète. الشيعة يدعون بأن أئمتهم أئمتهم يقولون لأئمتنا منزلة لا يصلها نبي مرسل ولا ملك مقرب. Les chiites prétendent que leurs imams, qu'ils prétendent suivre, alors que leurs imams sont innocents d'eux, ils disent nos imams ont atteint un degré que ne peut atteindre ni un ange rapproché ni un prophète envoyé. والعياذ بالله. انظر الى ماذا يصل هؤلاء والعياذ بالله. ف يذبحون عند القبور للموتى هذا اللحم حرام مما أهل لغير الله تبارك وتعالى. Ils égorgent, ils immolent des bêtes devant ces tombes, pour ces tombes. Cette viande, elle devient haram parce qu'elle a été vouée à autre que Allah subhanahu wa ta'ala. L'immolation, c'est un acte d'adoration. الذبح عبادة قل إن صلاتي ونسكي. ما هو النسك؟ هو الذبح للحيوان. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. دي ما بخير مون إيمولاسيون pour les bêtes, ma vie, ma mort appartiennent à Allah qui n'a pas d'associé et je suis parmi les premiers soumis. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. Prie donc pour ton Seigneur et immole. Pour ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. وَقَدْ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرْ أَوْ أَشْرَكْ. Et le prophète sallam a dit, celui qui immole, qui égorge une bête pour autre que Allah, a fait mécréance ou polythéisme. يحلفون بهؤلاء يحلفون ويقسمون بهؤلاء والحلف لا يكون من حلف يكون إلا لله تبارك وتعالى يحلف بالله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, celui qui veut jurer, qu'il jure pour Allah ou qu'il se taise. وفي الحديث الآخر من حلف بغير الله فقد أشرك. Celui qui jure par autre que Allah a fait acte de polythéisme. ثم تراهم أيضا يبنون المساجد على هذه القبور أو يدخلون القبور في المساجد. هذا المسجد لا تجوز الصلاة فيه. لماذا؟ لأن فيه القبر. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن تتخذ القبور مساجد. Et vous le voyez même aussi, construire des mosquées sur ces tombes ou introduire des tombes de saints dans ces mosquées. Ce genre de mosquée, la prière dedans est interdite. Il n'est pas permis de prier. Pourquoi? Parce qu'il y a la présence des tombes à l'intérieur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit qu'on fasse des tombeaux des lieux de prière ou des mosquées. قال عليه الصلاة والسلام لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. وفات صلى الله عليه وسلم a dit qu'Allah maudisse les juifs et les chrétiens. Ils ont fait des tombeaux de leurs prophètes et de leurs vertueux, de leurs saints, des lieux de culte. ne le faites pas, car je vous l'interdis. وهناك من يقول وتأتيه هذه الشبهة بأن في المدينة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويزعم أو يظن بأن القبر داخل المسجد. Il y en a, ils ont une ambiguïté. Ils disent d'accord, mais la tombe du prophète sallam, elle est dans la mosquée du prophète sallam. Comment ça se fait? Parce qu'ils croient qu'elle est dedans. والقبر ليس في المسجد. القبر في بيت عائشة رضي الله عنها. هذا المكان هذه الغرفة ليست من المسجد. هذه غرفة كان يسكن فيها النبي صلى الله عليه وسلم. كان يعيش فيها النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجته عائشة. هذا بيت عائشة رضي الله عنها. والنبي يدفن حيث مات. فدفن في بيت عائشة لأنه عليه الصلاة والسلام توفي في بيت عائشة. والبيت لاصق للمسجد لكن ليس من المسجد. ليس من المسجد. وهكذا كان بيوت النبي صلى الله عليه وسلم كانت لاصقة للمسجد. وكان بين بيته والمسجد يعني فقط يعني باب فقط منه يدخل إلى المسجد ومن المسجد يدخل إلى بيته. Donc je disais, en réponse à cela, que l'endroit où est enterré le prophète, ça ne fait pas partie de la mosquée. Cet endroit, cette pièce, c'est la demeure du prophète. C'est la demeure de Aïcha, radiallahu anha. Et le prophète, n'importe quel prophète, comme règle il y a, est qu'il soit enterré là où il meurt. Et le prophète, il est mort dans la maison de Aïcha. Donc il fut enterré dans la maison de Aïcha. Et la maison de Aïcha, même si elle est collée à la mosquée, elle ne fait pas partie de la mosquée. Et le prophète sallam, toutes ses demeures de toutes ses épouses, elles étaient collées à la mosquée. Il y a une porte entre sa maison et l'intérieur de la mosquée. De chez lui, il rentre directement à la mosquée. Et de la mosquée, il rentre directement chez lui. Il n'y avait qu'un rideau qui séparait. Donc ça ne fait pas partie de la mosquée. Jamais ça n'a fait partie de la mosquée. Donc c'est pour enlever cette ambiguïté. C'était sa demeure où il vivait avec son épouse Aïcha radiallahu anha. ثم حين حضرت الوفاة لأبي بكر الصديق radiallahu anhu وعمر بن الخطاب radiallahu anhu طلب الإذن بأن يدفنوا قرب النبي صلى الله عليه وسلم. Puis lorsque la mort est arrivée ou approchée, Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu puis Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, ils ont demandé la permission d'être enterrés à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ça ne faisait pas partie de la mosquée. C'est la demeure du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الروضة. الروضة يقول ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. بيتي بيت هذا بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ليس من المسجد. Hein? Et c'est pour cela que dans l'autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit entre ma demeure et mon minbar, là où la chair où il monte pour faire la khutba, il y a un jardin parmi les jardins du paradis. Cet endroit, c'est connu, ça s'appelle al-Rawda. Entre la demeure du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est là où il est enterré, et le minbar du prophète alayhi wa sallam. Mais ça ne fait pas partie de la mosquée. Donc ça, c'était pour répondre à si quelqu'un a cette ambiguïté-là. On l'a déjà entendu. ثم قال الشارح puis le commentateur nous dit رحمه الله ومع ذلك فإن كثيرا من الناس بل ممن يدعون العلم لم يخرجوهم من الإسلام ولم يحكموا عليهم بالكفر مع أن الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. Et avec cela, on voit beaucoup de prétendants à la science, des soi-disant savants. Ils ne font pas sortir ces gens-là de l'islam et ils ne les jugent pas comme mécréants, alors que Allah subhanahu wa ta'ala a dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le sens du verset, et il a été révélé à toi, ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé, que si tu viens à associer, à tomber dans le polythéisme, tes œuvres tomberaient, deviendraient vaines, et tu seras parmi les perdants. فالشرك الأكبر يهدم الإسلام ويبطله كما يبطل الحدث طهارة المتطهر وبالله التوفيق. Donc le polythéisme majeur, le grand polythéisme vient à détruire l'islam, donc l'islam n'est plus là, et vient à le rendre vain. De même que la souillure vient à rendre vaine la purification. La personne, elle se doit de se purifier à nouveau. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa alhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanaka allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.